La nuit s'ouvre sur un voile d'ombre. Chaque pas résonne dans un silence profond. Ralerski avance, le souffle est lourd. Le mystère enveloppe chaque seconde. Les murs tremblent, secrets enfouis. Chaque regard perçant révèle l'infini. Ralerski scrute, le doute l'entoure. Mais dans le chaos, il trace son parcours. Un souffle passe, les ombres s'agitent. Chaque battement de cœur devient satellite. La vérité rôde derrière chaque mur. La foule crie son nom, l'écho perdure. Feel the fear. S'efface, chaque mot murmuré résonne dans l'espace. Un souffle froid, la tension s'élève. Chaque pas conduit vers un rêve. Le danger plane, le mystère persiste. Mais la volonté brûle, invincible, réaliste. Les voix s'élèvent, la foule résonne. Chaque battement devient couronne. Ralerski guide dans l'obscurité. Chaque seconde, une intensité. Feel the fear.